bite à tout le monde. Elle n'est pas qu'à toi. Elle est à tout le monde. Même mon coquille de noix. C'est comme la Raymonde. Elle n'est pas qu'à toi. Elle s'offre à tout le monde. Même ceux qui n'en veulent pas. Si la terre est ronde, elle n'est pas qu'à toi. C'est quand même un monde que ça tu le biches pas. Tiens voilà ma blonde, elle n'est pas à toi. Elle est belle, belle comme le monde, douce comme du chocolat. Est à tout le monde. Elle n'est pas qu'à toi. Elle est à tout le monde. Même mon coquille de noix. Tiens voilà ma ronde. Elle n'est pas qu'à toi. Je l'offre à tout le monde. Même ceux qui m'aiment pas. Tiens voilà ma ronde. Elle n'est pas qu'à toi, je l'offre à tout le monde, même aux coquilles de noix.